Bonsoir, bonjour, bienvenue dans le secret du son d'Abba. Bonsoir DJ Melon. Salut Grigoula. Bonsoir David à la technique. Bienvenue dans une nouvelle session de bon son. On va commencer tout de suite avec Sven Kachiret, n'est-ce pas Monsieur Melon? Ouais, tiré de son nouvel album Scarlet Pitch Dreams, et c'est d'ailleurs le nom du morceau qu'on va s'écouter. On en parle juste après. Sven Kachiret dans le secret du son d'Abba. I eat with magnifique Sven Katsiret dans Le Secret du Son d'Abba. Oui, alors on en parle d'abord parce que ce Scarlet Pitch Dreams est sorti cette année sur le label Pingy Pung, courant d'année 2012. Et puis aussi pour signaler que début novembre, il sera à l'affiche du festival Soy à Nantes. Très belle affiche. Hein. Voilà, pas forcément dans les grosses soirées rock finalement, c'est plutôt, on ira plutôt voir si on pouvait y aller dans les moments un peu plus décomposés sur l'ensemble de l'agglomération nantaise. Dans des petits lieux avec des artistes, certains qu'on a déjà évoqués ici, hein, on ne serait pas perdu, et des auditeurs non plus. Je pense à Machine Fabric, je pense donc à Sven Katsiret par exemple, au-delà des gros noms, Barn Hall ou bien sûr Godspeed You Black Emperor, qui sont tête d'affiche finalement de ce festival. Voilà. En tout cas, Sven Katsiret, dimanche après-midi, le 4 novembre, à la Maison de l'Erdre sur l'île Versailles, hein, je crois que ça fait partie d'un certain nombre de concerts qui sont plus ou moins entrée libre. Alors j'imagine peut-être sur Reza, je sais pas. Vous allez-y, trouverez toutes les infos en cherchant sur le net le festival Soy, ou en cherchant via le site de l'association Yamoy, qui est organisatrice de ce beau rendez-vous du 31, je crois, octobre au 4 novembre sur Nantes et sa proche banlieue, on va dire. Voilà. Alors donc Sven Katsiret, oui, dire aussi qu'on avait bien aimé l'album de Kenya Sessions qu'on avait diffusé il y a un peu plus d'un an, où on retrouvait justement ce jeu de marimba et de cristaux électroniques mélangés comme ça, avec il l'utilisait comme support à des extraits, des samples de musique traditionnelle kényane qu'il avait été récupéré sur place finalement. Et puis là donc on retrouve toujours, on est très très vite dans son univers, on n'est pas perdu, c'est très caressant, des angles arrondis, la contribution vocale, la féminine d'une certaine Jana Plewa, que je ne connaissais pas, hein, sur deux titres, vient justement confirmer un peu ce côté très caressant entre l'IDM, la soul, la pop. On pourrait penser c'est presque réussi, à Massive, hein. Attack, on pourrait penser à Tide Antical Trio, à Tarwater aussi, pour ces ambiances un peu comme ça. Presque feutré, des fois. Feutré, voilà. Et c'est, voilà, c'est... Bon, certains trouvent ça peut-être un poil trop lounge. Ça dépend complètement de l'état d'esprit de l'auditeur, j'ai envie de dire. Peut-être aussi du moment où on l'écoute. Moi, je vous le recommanderais. En tout cas, voilà, Scarlet Pitch Dreams de Sven Katsiret sur Pingy Pung. On poursuit avec Sen King. Eh bien, on est chez les Allemands, on reste en Allemagne, mais cette fois-ci chez Raster Noton. Sam King, ça incarne le versant un petit peu lumineux, voire pop, c'est-à-dire avec vraiment des motifs mélodiques. On est loin de la rigidité complètement abstraite de Mark Fell ou de certains de ses comparses d'écurie. Là, on est vraiment chez quelque chose de lent, de déployé, de spacieux, de spatial, mélodieux et groovy. C'est assez classieux. C'est pas du tout un coup d'essai pour Sam King, hein, alias Jens Massel. Il y a pas loin de 7 albums, je crois, si je dis pas de bêtises, depuis... Tout ça sur depuis, le label d'Alvan Auto, sur Raston auparavant, Noton. Auparavant, c'est sur Karaoke Coach, et puis très vite sur Raston Noton. Voilà, il y en a eu, voilà, c'est ça, si je compte bien, il y en a 7 albums, dont le dernier Pong était très très bien en 2010. Et puis 2011-2012, 2 EP à suivre, Tweak, et puis Dazed, et on va s'écouter un extrait de Dazed. Donc c'est un single, 2 titres, de très longs morceaux, enfin long, voilà, 7 minutes. On va s'écouter The Dance All Walk. Pour moi, c'est vraiment la grande classe. On s'écoute ça tout de suite dans Le Secret du Son d'Abba. Sam King. We'll be right back.

charted some records. And the critics like them, Negro. It's getting better and better for you. And next year out touring, what does it feel to cut across the southern states with two whites and your white wife? Wife of a black man at the top of the ladder. 2 Kilo and More dans le secret du son d'Abba. Répétitif, lancinant, comme un orage qui éclaterait jamais. C'est un peu ce qui nous vient comme ça, comme image, à l'écoute de cet album Kurz vor Fünf en troisième allemand. Troisième album. Moi je l'ai découvert avec ce troisième album. Voilà, moi c'est vrai que je ne les avais pas entendus non plus. Duo français basé à Berlin. C'est plus compliqué que ça d'après ce que j'ai compris, puisque effectivement ils ont fait une partie de leurs enregistrements précédents à Berlin, mais comme le signifiait assez clairement l'album précédent Entre trois villes, Séverine Krouch est basée à Paris. Hugues Villette, son comparse, parce que c'est un duo, est basé le plus clair de son temps à Essen, et effectivement ils enregistraient à Berlin. À mi-distance, quoi. Si on veut, alors il va falloir que tu envoies avec un crochet, Mais voilà, on va rester là pour la leçon de géographie. User OK Feelings Rejected, c'est le nom de ce morceau avec un featuring en mode pressure de Black Sifichi, dont le CV est plus long que celui de Saul Williams en matière de slam et de participation vocale et de collaboration avec une quantité astronomique de gens qui comptent. Donc on va pas s'étendre sur le sujet. C'est un Américain qui est basé à Paris depuis plusieurs, plus haut, pour mon avis, une dizaine d'années, plus si, peut-être 15. Voilà, c'est quelqu'un qui est un peu un incontournable et que ça fait un plaisir de retrouver, j'ai envie de dire. Moi je me souviens de l'avoir vu il y a une quinzaine d'années au lieu unique, au moment de l'ouverture du lieu unique à Nantes. Et puis c'est vrai que je l'avais un peu perdu de vue. A priori il a pas mal joué avec un certain nombre de groupes de la sphère Jarin Effect ces dernières années. C'est peut-être aussi des trucs un petit peu dub machin que j'aurais pas forcément cherché à écouter, ce qui expliquerait que j'avais perdu sa trace moi personnellement. En tout cas il sera à leur côté sur scène à La Bascule début novembre 2012. Ça sera le Le 7, mercredi 7, ouais. À l'initiative, si je ne dis pas de bêtises, encore une fois, des incontournables amis de Cafuel et de leur émission Kérosène. Voilà, donc je pense que c'est un concert à ne pas louper, à moins, en cher Grigoula, que nous soyons du côté de Lorient ce même soir-là. Parce qu'il y aura une soirée à pas louper aussi, ça sera la grosse première date. Il y aura eu la veille, évidemment, le mardi 6 novembre à 20h au Galion avec Puzzle et Sudden Death of Stars, donc qui ouvrira le 7e festival des Indisciplinés. Festival qui nous est cher parce qu'on est très associés, et encore plus cette année avec la présence du Secret du Son d'Abba, 6 soirs sur 6. On pourra pas faire mieux, hein. Je pense que voilà, si vous voulez voir nos trognes, ça sera l'occasion de nous voir. En tout cas, le 7 novembre à 20h, il y aura au manège Shabazz Palaces, qu'on a déjà diffusé bien évidemment dans l'émission. À l'occasion de leur dernier album, en fait, voilà, hein, qui a un an. Qui a un an, ils avaient fait Les Trans. On les avait vus à Nantes avec un son catastrophique. Au printemps. On leur souhaite du meilleur son. Ça peut pas être pire. Ça peut pas être pire. Au manège, on compte évidemment sur l'équipe de MAPL pour garantir la chose. Je pense que ça sera pas dur. The Satisfaction, donc le duo soul, proto soul de. Et donc ami très proche de Shabazz Palaces, parce que savoir c'est Shabazz Palaces qui produit la musique de The Satisfaction. Et là aussi, autre compère d'écurie, Shabazz Champagne, qui ouvrira la soirée. Voilà, vraiment une soirée très très belle, sous le signe du hip-hop de la côte ouest-nord, donc de Seattle. Tout le monde est signé chez Sub Pop, je vais pas y revenir, tout le monde en a parlé. On va écouter un extrait de This Satisfaction juste après Nemo Ashida. Nemo Ashida est une petite découverte là de DJ Juju. On va écouter un extrait qui s'appelle Way Back. Pas grand chose à dire de Nemo Ashida, si ce n'est que c'est un MC producteur qui a été découvert à travers un premier EP qui s'appelait Goodbye Brooklyn, et où il se posait le fait qu'il se barrait un peu de Brooklyn, ça lui pesait un petit peu là, toute l'histoire du hip-hop new-yorkais, et qu'il partit un peu dans le Kentucky. Il est retour, je sais pas si c'est vrai, hein, vraiment, il est de retour avec un premier album qui s'appelle Conversation With Myself. Vraiment, c'est très très chouette. Je suis en train de penser qu'il y a vraiment des types qui se construisent des biographies complètement farfelues. Et donc, je peux pas dire plus. Voilà, il revient avec un album 9 titres en libre téléchargement sur son Bandcamp. Il a quitté son élevage de poulets. Et voilà, on va retrouver justement des sons un peu qui fait un peu penser à Shabazz Palace, mais aussi un peu aux sons utilisés par Flying Lotus, entre autres sur son nouvel album Nemo Ashida dans Secret du son d'Abbas. C'est une vraie découverte. Puis The Satisfaction. Bah oui. Last time they seen a nigga, I was marching up the map. Yeah. Last time they seen the black, where I was at, where it's at. Give me that funk, that house stuff. Yeah. These motherfucking people don't bounce enough. Try and get backstage and out yourself. We don't know you, at least bring an ounce of piff. Try and sit down in this 360. Do you know anything else but graffiti? But pennies? Talk real, dummy. I don't know release dates, that's jail, homie. I just sit back, way back, think of my attack. Power, baby, black. I just fall back, way back, think of my attack. Take this, rap. Take this, rap. One to your lung, all your hater niggas done. Wow, pistols, they don't hit slow. Gun tough, bugging like a minstrel, period. Lot of y'all idiots, my face like really y'all serious. The black running mouths like Darius. I'm black like mouths, be scared of us. I'm really just a failure who cared enough to learn more for more wrongs. Cause every time we write, it's a done song. The black ones shine like Steve's wrist. If not, I don't wanna exist. Cause what's the whole point on breathing if nobody give a shit when you leaving? Save that energy, yeah, and hand out changes and memories. Yeah. This is my attack, take this, take this, one to your lung, all your hating niggas done. Last time y'all seen a nigga, I was marching up the map. Last time y'all seen the black, I was at where it's at. Oh lady, don't play me. I got a badass temper when I'm wavy. Hopped in my closet, hopped out the 80s. Who don't wear a tank when it's 80? Old heads acting like they made me. I made me, bitch pay me. Tons of flow serenading. It's a common fact that I'm blazing. Back when mom raised me, she criticized shit and she praised me. Whoa, and it all makes sense. Rap, take this. Whoa, rap, take this. One to your lung, all your hater niggas done. Wow. Leave your face at the door. Turn off your swag and check your bag. From your limbs to your Timbs, get down. But whatever you do, hey, don't bump with my groove. Whatever you do, don't bump with my groove. Whatever you do, don't bump with my groove. Whatever you do. What's up? be your physicians. You better bring Dissatisfaction avec le morceau Queens, une petite saloperie dance floor. Tout l'album est pas comme ça, c'est beaucoup plus feutré, plus alambiqué avec des atmosphères un peu plus cintrées. Voilà, en tout cas, Dissatisfaction très attendu pour cette c'est très belle. C'est le camp qu'on a, qu'on a choisi ce soir-là. Plutôt que d'être à Rennes, on sera donc à Lorient aux côtés de Champagne et de Shabazz Palaces. Voilà, ça sera une très belle soirée, vraiment un plateau hip-hop à soul hip-hop, vraiment à ne pas louper. Ce sont rares tous ces groupes dans le coin, donc il ne faudra pas louper. Le lendemain, il y aura Daniel Dark et Lampshop et DJ Melon qui se transformera en quasiment DJ Seed ce soir-là. Il nous fera un très beau mix dans le grand hall du Grand Théâtre de Lorient. Il ne faudra pas le louper. Ce sera l'occasion de voir sa trogne et il mixera des choses toujours aussi improbables. Le lendemain, le vendredi 9 novembre, il y aura Mermont et Woodkid, en tout cas pour nous. Il y aura King Charles et Nine New Beaters. Et il y aura donc Emperor Dust, un nouveau groupe là, avec un ancien collègue de Asian Dub Foundation. Le samedi 10 novembre, il y aura Tudor Cinema Club en tête d'affiche avec Algie, ça c'est pour la pop. On sera à Cosma ou à ce moment-là ? Ouais, on sera en train de boire des coups. Il y aura l'Escope qui... je veux dire, ça se passe à Cosma, c'est voilà, ça que je voulais dire. Comme la veille, et Cast of Shears et Collège. Voilà pour une soirée aussi toujours indie pop club. Et le festival se terminera le dimanche. On sera très fatigué ou pas. Ou pas. Par une session. Le jour où la pop ça va me fatiguer, ouais. C'est que je serai vieux. Et donc ça se finira donc dimanche 11 novembre à 16h avec un concert pour les enfants, les Wack Kids à Zinzac le Christ et sûrement l'un des très chouettes découvertes à ne pas rater. Ça sera les Cal Halls, formation australienne qui sera au Galion. Voilà le mythique bar du port de commerce de Lorient. Cal Halls, formation donc de australienne. On va écouter un extrait de leur album qui est sorti en 2012, Dismania, que moi j'avais découvert par l'intermédiaire de l'excellent webzine Perte et Fracas. Et on a la chance de les voir, donc il ne faudra pas les louper. Ils jouent la veille à Nantes, mais ce sera les deux seules dates bretonnes des Australiens qui jouent une musique, une sorte de garage, swamp, entre birthday party, Sushi on the Benches, mais il y a des choses... Arrête, je me croirais dans Kérosène. No way, ouais, on est vraiment pas loin de l'ami Gwen. Sors de ce corps. J'ai encore plus de cheveux que lui quand même. Hein. Et donc... Et donc voilà, on va écouter un extrait qui s'appelle Rats, et vraiment c'est un album très réussi que j'ai hâte en tout cas d'entendre en live. Ça sera au Galion le dimanche 11 novembre, clôturera le festival par ce groupe et puis en par beauté. Nous-mêmes. Et puis par le secret du son d'abat. On vous y attend tous très nombreux, mis à part le mercredi, il faudra choisir entre Rennes et Lorient, mais en tout cas pour le coup, n'hésitez pas à faire un tour en Pays de Lorient, K-Halls dans le secret du son d'abat. We'll be right back. Après les excellents Australiens de Carols avec le morceau Rats tiré de leur album Dismania, on enchaînait avec le retour inespéré de Sebado. Inespéré. Ouais, presque inespéré parce que on pensait que le retour sur scène pour de quelques concerts de reformation donnerait pas lieu. En tout cas, à cette EP autoproduit durant l'été 2012, 5 titres, un EP vraiment 5 pépites d'indie rock comme on les aime. C'était back to roots. Quoi, vraiment, Loup Barlow est en grande forme. Grande forme mélodique. Et quand j'entends les montagnes de groupes pop ou indie pop qui sortent actuellement et la faiblesse mélodique de ces groupes, et là t'entends ça, tu te dis mais oui, bien sûr, on n'est pas vieux. Sebado, évidemment, il y a un album qui va sortir très prochainement. Si c'est du même tonneau, moi je signe vraiment. Grande classe, Sebado. C'était le morceau Keep the Boy Alive. Et oui, ils sont alive les boys. On poursuit avec un autre tour, bon eux ils n'étaient pas vraiment disparus, c'était Pinback, 5e album depuis 1999, le retour de Rob Crow avec son projet principal après la remise en route l'an dernier de Through My Pilot. Superbe retour, vous en souvenez. Ils ont sorti un EP, les Through My Pilot, là, à la fin de l'été 2012, début de l'automne. Un EP quand même un ton en dessous de l'album, qui était quand même assez génial. Et finalement, c'est avec envie, Du coup, je suis tombé sur ce nouvel album de Pinkback qui s'appelle Information Retrieved, sorti chez Temporary Residence. On va écouter un extrait qui s'appelle Glide. Et voilà, dire que c'est dans la continuité du précédent, si ce n'est qu'il est peut-être un peu moins varié. Parce que le précédent, c'était la particularité du quatrième album de Pinkback, il avait un peu tendance à se perdre, un peu long. Ici, il est plus resserré, 10 morceaux. Que des tubes, on écoute un extrait, Pinkback, dans le secret du son d'Abba. Thank you. Bombu dans le secret du son d'abat, l'afrobeat matinée de noise et de tribalisme et de hardcore pour ceux qui écouteront la totalité de cet album qui s'appelle Zombie, sorti sur Subsound 2012. On retrouve dans ce duo, mais vous avez pu entendre qu'il y a plus d'un musicien, à la batterie Antonio Zitarelli, qu'on a vu chez Neo, formation italienne, et surtout on reconnaîtra le sax baryton de Lucati, qui évidemment exerce ses dons dans Zoo. Zoo. Et voilà, et vraiment cet album est une grande réussite, s'appelle Mombu, cette formation, et le morceau qu'on a écouté s'appelle Regla de Ocha. Ils étaient venus à Rennes en 2011, on les avait ratés, magnifique. Et c'est un peu notre spécialité. Voilà, et donc Mombu avait sorti déjà une première monture de cet album-là en 2010, et là c'est la version remasterisée avec un morceau en plus. Redéployé en 2012. C'est un très très chouette album que je vous conseille vivement, qui est vraiment à la croisée, vous avez pu l'entendre, à l'afrobeat, au free, à la noise. Vraiment, c'est du haut vol, Mombu dans ce creux du fond d'abat. On poursuit avec... On va partir en Australie, parce qu'il me semble bien qu'Anthony Pateras est australien, mon cher Grégola. C'est ça, À un moment donné, il s'est un peu séjourné à Nantes, mais là, je crois qu'il est reparti en Australie. Et pour le coup, il publie ses disques actuellement sur un label autrichien qui n'est autre que Édition Mego. Une paye, hein, C'est un garçon, moi, que j'avais un petit peu de mal à suivre, que je connaissais surtout pour ses collaborations avec son compatriote Robin Fox, que tu avais eu l'occasion, tu me le disais, de voir en première partie de KTL. Ouais. À Niort. Dans une salle de fête. Et au-delà de l'événement improbable, tu confirmes le côté assez... assez frappé, assez manipulateur des deux compères, d'ondes et d'électrons. Hein, ouais, c'était vraiment excellent. Ouais, de ouais. Ces garçons, voilà. Pour le coup, là, la musique d'Anthony Pateras en solo se rapproche un petit peu plus de on va dire ça fait penser à pas mal d'autres choses, et en tout cas, c'est beaucoup plus calme. S'il manipule les ondes, il manipule aussi les cordes, le piano, son instrument de prédilection. Voilà, c'est quand même beaucoup plus assagi que ce qu'il fait avec Robin Fox. Il faut savoir qu'Anthony Pateras, il est tellement fan de piano qu'il a une formation grind piano-batterie, qui est déjà passée à Nantes, que j'ai déjà écouté, qui est vraiment assez génial et chaudement recommandé aussi. Et d'ailleurs, alors on n'en passera pas ce soir, mais peut-être une prochaine fois, ceux qui voudraient se pencher un peu plus sur son travail personnel, il y a une quintuple compilation CD Collected Works 2002-2012 qui vient de sortir chez Immediata. Voilà, ça c'est vraiment pour ceux qui ont du temps à consacrer à l'ami Pateras. Nous on va s'écouter un morceau qui s'appelle Burton Syndrome. Voilà, c'est quelque chose qui m'a fait penser à Sakamoto et Alvin Otto, ou Sakamoto et Fenes, tu vois, c'est un peu ces ambiances là à Johan Johansson aussi pour les traitements un petit peu orchestrés, et plus loin, et de manière plus, on va dire, plus académique, à Berriot, Xenakis ou Boulez. Et j'étais en train de me dire, mais bon sang, on dirait bien une bande originale de film façon, pourquoi pas aussi Gabriel Yared, pour les côtés peut-être un peu plus consensuels. Et bingo, en fait, c'est une bande originale de film. Cet album qui s'appelle Errors of the Human Body, en fait, c'est tout simplement le score, la bande originale du film du même nom, un film de Aaron Sheahan qui est sorti en 2012. Que, bon, qu'on n'a pas très vu. Honnêtement, voilà, moi je suis pas l'actualité cinématographique de près. Un film qui semble traiter de manière fantastique des dérives de la génétique, on va dire ça, les choses de manière assez simple. D'où un peu c'était le titre de Burton morceau. Syndrome. Du nom du personnage principal, Geoff Burton. Et voilà, on est vraiment sur quelque chose de sans être vraiment innovant, qui travaille entre les traitements digitaux et les éléments orchestraux, avec des traitements autour de halo, d'écho, de miroitement. Voilà, c'est assez joli, c'est une assez belle musique de film qui s'écoute sans savoir que c'est une musique de film. Ça, c'est bien. Ça, c'est toujours appréciable. Errors of the Human Body, donc sorti chez Édition Mego, et on s'écoute le morceau, donc Burton Syndrome de Anthony Pateras. Thank you. Waouh. Waouh, waouh. Paye ton ambiance là. Voilà. Un petit set là. Un petit set après. Ah bah t'as le spleen qui revient direct. Hein. Après Anthony Pateras, donc le duo Un petit set basé en tout cas pour leur travail sonore à Bristol, puisque l'un effectivement semble y vivre, James Ginsberg. Et Paul Purgas lui semble, tous les deux des Anglais d'après ce que j'ai compris, Paul Purgas semble vivre actuellement à Stockholm où il travaille au comté de gens vraiment spécialisés dans la musique ultra conceptuelle et minimale. Et voilà, c'est un duo qui s'est fondé il y a quelques années autour de l'idée de composer de la musique techno. Et effectivement, leurs premiers travaux étaient à la fin des années, à la fin de la première décade 2000-2010, c'était effectivement très techno, très techno minimal, avec peut-être encore un manque de personnalité. Et puis comme ils le disent d'ailleurs dans une interview assez intéressante donnée au magazine Wire au printemps dernier, ils ont cherché à vraiment réduire à l'essentiel leur son. Ils disent un petit peu que plus le son est cru, plus tu peux tirer quelque chose d'intéressant de la machine. Voilà, ils sont un petit peu sur cet esprit-là. Réduire vraiment le... Ça peut paraître paradoxal pour plus d'une personne. Hein. Voilà. Tirer de la musique crue, des sons crus d'une machine. Mais une fois qu'on a écouté ce morceau, Divide, extrait de l'album, du mini-album Medium, je crois qu'on voit bien où ils veulent en venir. Mmh. Alors, ça peut paraître rebutant. C'est vrai qu'il n'y a pas l'ombre d'une mélodie, qu'à force de faire de la techno minimale, ils ont considéré que minimale, il y avait déjà trop de syllabes. Et ils sont allés vers quelque chose d'encore plus creusé, d'encore plus vide. C'est un peu des artisans du vide finalement. Et voilà, c'est quelque chose d'assez nu. De très spatialisé évidemment. C'est un peu une sorte de quête de l'épure. Ils retirent les éléments sonores jugés superflus un à un, et en même temps ils gagnent en intensité au fil des disques. Voilà, ça sort chez Subtext, qui est l'un des labels du cluster Multiverse, qui comporte un certain nombre d'autres labels comme Tectonic par exemple. Voilà, c'est Subtext qui sort aussi la musique de Rolly Porter qu'on a eu l'occasion d'écouter dans Le Secret du Son d'Abba. Empty Set, le mini-album Medium. On termine et on se dit bye-bye sur du bel ouvrage avec Kiam Alani. Kiam Alani, voilà, c'est un garçon né en Syrie mais basé de longue date au Royaume-Uni. Il s'est barré bien avant que ça chauffe, quoi. Voilà, a priori, il a... Bon, c'est un Perse, hein, il a aussi des origines du côté de l'Irak. Il a traîné ses guêtres dans la scène noise rock anglo-saxonne londonienne pendant un petit bout de temps. Je connais pas forcément les compositions, les formations auquel il a participé. J'ai toutefois noté quand même qu'il s'est retrouvé en 2009 sur la scène du Supersonic à Birmingham en solo, ce qui montre un petit peu son positionnement assez original, puisqu'il joue d'un instrument traditionnel, le oud, qui est un instrument, si je dis pas de bêtises, à 12 cordes. Et c'est vrai que sa musique est clairement inspirée de la tradition des traditions multiculturelles dont il est originaire. Mais en même temps, il arrive à se retrouver dans des contextes disciplinaires assez différents et on va dire plus radicaux, plus tranchés si on se rapporte au Supersonic de Birmingham. Alors on va s'écouter un extrait d'un album sorti en 2011. L'album s'appelle Résonance Dissonance. C'est un CD et DVD. Le CD, il est seul avec sa oud, et le DVD, il est accompagné par un percussionniste, Vasilis Sarikis, qui enlumine, qui accompagne de manière très discrète ses compositions avec une percussion. On va s'écouter donc un extrait plutôt de la partie DVD pour le coup, dont on peut d'ailleurs trouver certains extraits en bonne qualité d'ailleurs sur le web, filmé j'entends. Hein. Le morceau qu'on va s'écouter s'appelle Tawazon 1 Balance. Et donc c'est Cam Alami, accompagné de Vasilis Sarikis dans Le Secret du Son d'Abba. Et on se dit au revoir et on se dit à très bientôt. Bonsoir, bonjour, c'était Le Secret du Son d'Abba. Merci David, merci DJ Melon. À très bientôt. Ciao. Thank you.